pasa, hombre? Buscando la vida. Ou ap fèm pase yon trai A la mizè Pou yon jen gason Pa vle travay Men li pito fè tioul Ou kuitiria Ou pa jam ba mwen Ma yi moulè Ou ba mwen pa bokit 12 gren banan Sou kof le stomak mwen Ay, ay, ay Maman chéri mwen Kè ti pitiè pou mwen Oh, oh, oh Matyo, c'est youl, c'est youl, gen de bagay, gen de bagay, m'pap jam ka explique, c'est moi konnen, c'est moi konnen, c'est moi konnen, sa wapè fèm subi kon sa o. Con sentimiento. Salam aleikum Haití, vía Nueva York, aplicando. Chubu, venirán. Salud, les amis de la Martinique, de la Guyane, la Guadeloupe, la Réunion. Et Cheikh Wade, nañu dem. Ha!